Delhi, Annonciade, deuxième partie. Chapitre 1. La maison Lehennec dressait à l'entrée du village ses vieux murs de granit, précédés d'une cour au pavé très inégal, close d'une grille récemment peinte en gris de fer. On entrait de plain-pied dans les pièces du rez-de-chaussée, vastes et humides, où le gros poêle du vestibule ne distribuait que très peu de chaleur. Là se trouvaient dispersés de vieux meubles de famille, d'assez grande valeur, mêlés à d'autres, quelconques, le tout disposé sans goût, Madame Lehennec étant complètement dépourvue sous ce rapport. Par ailleurs, cette petite femme blonde et froide, au mince visage fané, dirigeait fort bien sa maison, où elle exerçait une souveraineté absolue. Monsieur Lehennec courbait le dos tout le premier et ne se permettait aucune immixtion dans les affaires intérieures. Annonciade se vit accueillie par elle avec une sorte de sympathie un peu sèche qui n'avait rien de bien réconfortant, mais ne laissait pas prévoir d'hostilité. D'ailleurs, Monsieur Lehennec avait dit à sa fille, en revenant avec elle de la gare, « Au reçu de la dépêche nous annonçant la mort de Monsieur Labarède, ma femme a dit aussitôt « Il faut que cet enfant vienne ici maintenant, notre maison et son foyer. » Quand, le soir, dans la salle à manger, Annonciade se vit, au milieu de ces visages étrangers, elle crut rêver pendant un moment. La grande pièce restait obscure à ses extrémités, car la suspension de fer forgé n'éclairait que la table et ses alentours. Monsieur Lehennec, long et maigre, un peu voûté, balançait fréquemment sa tête chauve et parlait d'une voix douce, très harmonieuse. À sa gauche, Agnès, une grande fillette aux yeux songeurs, se penchait de temps à autre pour regarder Annonciade, que dévisageait avec une curiosité bienveillante son frère cadet, Goulven, gros garçon remuant, sur lequel pesait sans cesse le sévère coup d'œil maternel. L'aîné, François, avait un visage assez fin et des yeux gris, froids et volontaires comme ceux de sa mère. Annonciade, partie de Cannes par une température de printemps, frissonnait dans cette grande salle où, juste au moment du dîner, on avait allumé une flambée. Il pleuvait aujourd'hui et l'humidité pénétrait partout. Cependant, autour d'elle, chacun semblait fort à l'aise et François dit même à un moment « Il fait chaud ici !» Monsieur Lehennec interrogeait Annonciade sur sa vie à la Bastide. Il parlait peu des grands-parents. Sans doute se rendait-il compte qu'il les avait désillusionnés jadis. Mais il sut trouver quelques mots pour dire en quelle estime il les tenait et Annonciade lui fut reconnaissante de cette pensée. Madame Lehennec parlait peu, tout occupée à surveiller ses enfants et la servante, une grande fille portant le costume de Foisenant. Cependant, elle dit tout à coup « Ne m'avez-vous pas raconté, Conan, que le marquis de Pandelon connaissait Annonciade ?»« Ah oui, au fait, il paraît, mon enfant, qu'il avait loué l'année dernière le petit pavillon chez tes grands-parents. Il m'en a dit quelques mots, un jour, tandis que nous parlions de la Provence. » Annonciade, sachant les Lehennec en relation avec le châtelain de Gerlac, était préparée à cette question. Cependant, elle ne put empêcher ses joues de s'empourprer, tandis qu'elle répondait « En effet, il est resté là un peu de temps. Il m'avait parlé de vous et disait que nous descendions d'une même souche. » « Oui, oui, c'est exact. Nous sommes les descendants de l'Enoch, le… » Madame Lehennec l'interrompit sans façon. « Avez-vous su, Annonciade, le terrible accident dont il a été victime ?»« Un accident ? Non, madame, je ne sais pas. » Et elle sentit que ses jambes commençaient de trembler. En septembre dernier, au cours d'une violente tempête, une barque de pêche se trouva en perdition sur nos côtes. Personne n'osait se risquer sur cette mer complètement démontée, jusqu'au moment où arriva M. de Pandelon, qui décida un vieux marin à l'accompagner. Mais ils ne purent atteindre les naufragés, leur propre bateau ayant chaviré, et M. de Pandelon se vit saisi, roulé par les vagues, qui le jetèrent sur un de nos plus terribles écueils. Des pêcheurs parvinrent à le sauver au péril de leur vie. Il avait à la tête une profonde blessure qui guérit assez vite, mais bientôt après, il s'aperçut qu'il perdait la vue peu à peu. Annonciade demanda d'une voix un peu éteinte « Est-ce qu'il est aveugle ?»« Non, pas complètement. Les médecins ne se prononcent pas encore, car il y a de continuelles alternatives de mieux et de plus mal. Lui est persuadé qu'il ne guérira jamais. Sa mère dit qu'il est sombre, taciturne, et elle ne cache pas sa crainte de le voir céder au désespoir. Un tel changement d'existence et la perspective de la cécité doivent, en effet, sembler chose dure à un être aussi indépendant, toujours par monts et par vaux, ne cherchant en tout que son plaisir. Monsieur Le Hennec fit observer « Il est très intelligent, très lettré, c'est un homme de valeur. » Oui, mais pas sérieux et complètement dépourvu de religion. Si l'on venait d'annoncer un de ces jours qu'il s'est jeté dans la mer du haut des rochers de Gerlach, je n'en serais pas étonné. Après avoir recherché toutes les jouissances de la vie, cet homme-là ne supportera pas la souffrance. Annonciade écoutait machinalement. Elle se disait « Il est presque aveugle, lui !» Elle avait l'impression que le froid devenait plus pénétrant dans la salle et le frisson ne la quittait pas. Les mots prononcés près d'elle n'arrivaient plus à sa pensée. On mit sur le compte de la fatigue ses distractions, l'altération de son visage, et Madame Le Hennec, aussitôt le dîner fini, la conduisit à sa chambre en lui recommandant de se coucher aussitôt. Quand Annonciade fut seule, elle s'assit près du foyer où s'éteignaient quelques tisons et appuya son front contre sa main. Alors, dans le silence de la grande chambre que le feu n'avait pu réchauffer, elle essaya de se figurer M. de Pandelon aveugle, M. de Pandelon souffrant. Et elle le revit dans sa vigueur superbe, dans sa jeunesse vibrante, telle qu'elle l'avait connue à la Bastide. Elle revit les yeux couleur de mer, éblouissants, et elle ne put parvenir à les imaginer morts, sans regard, ses yeux en sorceleur, dont elle était une des victimes. Il plut pendant 3 jours sans interruption. Le chemin devant la maison n'était plus qu'un lac. M. Le Hennec disait « Voici qui va te faire juger défavorablement notre Bretagne, Annonciade. » Elle pensait « Ah, que m'importerait si ce n'était mes chagrins ?» Mais elle n'avait pas le temps de se replier sur elle-même, car sa belle-mère lui donnait une besogne suffisante pour occuper ses journées. Fort active elle-même, ne perdant pas une minute, Madame Le Hennec exigeait qu'on l'imitât. « Voyez-vous, mon enfant, nous n'avons qu'une assez petite fortune et il faut que chacun, ici, apporte sa quote-part de labeur. À ce prix-là seulement, nous pouvons vivre et tenir à peu près notre rang dans le pays. » Annonciade avait été trop bien accoutumée au travail chez ses grands-parents pour que cette obligation lui déplût. Elle se mit aussitôt à la disposition de Madame Le Hennec et ces 3 jours, pendant lesquels il lui fut impossible de sortir, passèrent en somme assez vite. Elle fit plus ample connaissance avec ses frères et sa sœur, reconnut que Goulevin était un bon gros garçon très gai, Agnès une nature timide et réfléchie que comprimait un peu la sévérité maternelle. François lui fut moins sympathique. Il semblait de caractère sec, volontaire, et Annonciade remarqua très vite que sa mère lui passait tout et le préférait aux autres. Le soir seulement, quand elle se trouvait seule dans la grande chambre aux vieux meubles solides, la jeune fille avait le loisir de réfléchir longuement. Elle pensait à ses chers morts, à la Bastide, à la belle Provence. Elle priait longtemps, avec ferveur, pour être courageuse. Elle pleurait aussi en songeant à ce qu'elle avait perdu, à son heureux passé, à la détresse de son cœur, parmi ces inconnus qui l'accueillaient bien, mais qui ne l'avaient pas désiré, qui ne l'aimeraient jamais comme on l'avait aimé là-bas, à la Bastide Rose. Elle pensait aussi à Wenaël, rapidement, sans s'y arrêter, et elle priait pour lui, pour sa guérison, pour son âme, et pour qu'elle ne le revît pas.